Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie avec le génial Omar Sy. Dans quelques heures, Elias terminera sa peine conditionnelle qu'il effectue depuis 2 ans comme infirmier aux urgences. Mais ce qui s'annonçait comme une belle soirée vire à la catastrophe lorsque débarque dans son service Rudy, un de ses anciens complices qui vient d'avoir un accident de voiture. Qu'est-ce qu'on a ? Les hématomes. Elias est brancardier. Sorti de prison l'année dernière. Dans 5 heures, c'est la fin de sa liberté conditionnelle. Comment on fait pour avoir des intubations en prison ? Bah, faut regarder des séries, quoi, comme Urgence ou Grey's Anatomy. Dr. Quinn aussi. Mais ce soir... On lui prépare une petite fête. Entre les flics... Qu'est-ce qui se passe ? Police nationale. Ses nouveaux collègues... Et dans le coma, vous devriez peut-être faire un... Vous allez pas recommencer à dégager, je vous file un coup de patch ! Bras en l'air ! Chargé ! Ses anciens collègues... Je t'ai dit, une petite gifle, t'es pas dit de plonger dans le coma ! Je le ferai plus, voilà, c'est promis, parole de gitan. Parole de quoi ? De gitan, je suis gitan, donc quand je donne ma parole, je dis parole de gitan, et je crache. C'est comme ça qu'on fait. Gitan, mais t'as jamais mis les pieds dans une caravane, toi. Mais surtout avec 10 millions en diamants planqués dans l'hôpital. 10 millions, quand même. Elias va avoir quelques problèmes. C'est pas un petit tolère comme vous qui va m'apprendre à mixer, hein. La patience en est tirée. La patience en est tirée, je m'en fous, moi. La loi de Murphy, un film de Christophe Campos, un DVD Gaumont.